Français Poulard. La présentation. La présentation initagul. La présentation initagul. Je m'appelle Adama Ba. Midouye Adama Ba. Je m'appelle Adama Ba. Midouye Adama Ba. Mon nom est Adama Ba. Inde am ko Adama Ba. Mon nom est Adama Ba. Inde am ko Adama Ba. Mon maître s'appelle Monsieur Ba. Dabi am wiyete ko Dabi Ba. Mon maître s'appelle Monsieur Ba. Dabi am wiyete ko Dabi Ba. Comment s'appelle le maître? Eno Dabi o wiyete. Comment s'appelle le maître? Eno Dabi o wiyete. Il s'appelle Monsieur Ba. Omo wiye Dabi Ba. Il s'appelle Monsieur Ba. Omo wiye Dabi Ba. Le maître s'appelle Ba. Dabi o wiyete ko Ba. Le maître s'appelle Ba. Dabi o wiyete ko Ba. Je m'appelle Midouye. Je m'appelle Midouye. Fode, comment s'appelle ton père? Fode, no baba ma wiyete. Fode, comment s'appelle ton père? Fode, no baba ma wiyete. Mon père s'appelle Boubou. Baba minawiye Boubou. Mon père s'appelle Boubou. Baba minawiye Boubou. Page 2. Hello Didi. Fifi, comment s'appelle ta mère? Fifi, nene ma wiyete. Fifi, comment s'appelle ta mère? Fifi, ton nene ma wiyete. Fode, comment s'appelle ta grande sœur? Fode, no mauna debo wiyete. Fode, comment s'appelle ta grande sœur? Fode, no mauna debo wiyete. Comment s'appelle ton petit frère? Eno minya wiyete. Comment s'appelle ton petit frère? Eno minya wiyete. Mon frère s'appelle Abu. Mini am ina wiye Abu. Mon frère s'appelle Abu. Mini am ina wiye Abu. Retno. Tesk wal hakilin. Peur, baba. Peur, baba. Mère, nene. Mère, nene. Frère, bandirado gorko. Frère, bandirado gorko. Sœur, bandirado debbo. Sœur, bandirado debbo. Mon père s'appelle. Baba am ina wiye. Mon père s'appelle. Baba am ina wiye. Ma mère s'appelle. Nene am ina wiye. Ma mère s'appelle. Nene am ina wiye. Ma sœur s'appelle. Bandi am debbo wiyete. Ma sœur s'appelle. Bandi am debbo wiyete. Ton fils bia gorko. Ton fils bia gorko. Ta fille bia debbo. Ta fille bia debbo. Mon fils biam gorko. Mon fils biam gorko. Ma fille, biam debo. Ma fille, biam debo. Les saltations. Terminal. Les saltations. Terminal. Page 3. Hello, Tati. Bonjour, ça va? Djangwali, Nombada. Bonjour, ça va? Djangwali, Nombada. Bonjour, Mamadou, comment ça va? Djangwali, Mamadou, Nombada. Bonjour, Mamadou, comment ça va? Djangwali, Mamadou, Nombada. Bonjour, monsieur, ça va bien? Djangwali Dabi, Araceli. Bonjour, monsieur, ça va bien? Djangwali Dabi, Araceli. Bonjour, Binta. Comment ça va? Djangwali Binta, Nombada. Bonjour, Binta. Comment ça va? Djangwali Binta. Nombada. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Djangwali Dabi. Araceli. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Djangwali Dabi. Araceli. Ça va bien. Et toi? Une celle et une année? Ça va bien. Et toi? Une celle et une année? Je vais bien. Merci. Au revoir. Une celle et diarama. Bonne année, Jam. Je vais bien. Merci. Au revoir. Une celle et diarama. Bonne année, Jam. Retenons. Tesqual Hakilin. Bonjour, Djangwali. Bonjour, Djangwali. Comment ça va? Nongoruda. Wala Nombada. Comment ça va? Nongoruda. Wala Nombada. Ça va bien? Miduseli. Ça va bien? Miduseli. Je vais bien. Mido Ejam. Je vais bien. Mido Ejam. Et toi? Eno Anne? Et toi? Eno Anne? Au revoir. Wanen Ejam. Au revoir. Wanen Ejam. Bonsoir. Jam Nyali. Bonsoir, Jam Nyali. Bonsoir, monsieur. Jam Nyali Dabi. Bonsoir, monsieur. Jam Nyali Dabi. Bonsoir, Mamadou. Jam Nyali Mamadou. Bonsoir, Mamadou. Jam Nyali Mamadou. Page 4. Hello, Nay. Bonsoir Binata. Yam Nyali Binta. Bonsoir Binata. Yam Nyali Binta. Bonsoir monsieur. Yam Nyali Dabi. Bonsoir monsieur. Yam Nyali Dabi. Ça va bien? Araceli. Ça va bien? Araceli. Retno. Tesko wala hakilin. Bonsoir, Jam Nyali. Bonsoir, Jam Nyali. Bonsoir, monsieur. Jam Nyali Dabi. Bonsoir, monsieur. Jam Nyali Dabi. Bonsoir, Mamadou. Jam Nyali Mamadou. Bonsoir, Mamadou. Jam Nyali Mamadou. Bonsoir, Binata. Jam Nyali Binta. Bonsoir, Binata. Jam Nyali Binta. Les dates. Nyali. Les dates. Nyaldi. La semaine, yontere. La semaine, yontere. Le mois, leuru. Le mois, leuru. L'année, hitande. L'année, hitande. Dans la semaine, il y a 7 jours. E nder yontere, eden jogi balde jeedidi. Dans la semaine, il y a 7 jours. E nder yontere, eden jogi balde jeedidi. Lundi, altine wala tene. Lundi, altine wala tene. Mardi, talata. Mardi, talata. Mercredi, alarba. Mercredi, alarba. Jeudi, alkamisa. Jeudi, alkamisa. Page 5. Hel joy. Vendredi, aljuma. Vendredi, aljuma. Samedi, aset. Samedi, aset. Dimanche, deo. Dimanche, deo. Les mois de l'année sont. Les bihitande ko. Les mois de l'année sont. Les bihitande ko. Janvier, silo. Janvier, silo. Février, kyolte. Février, kyolte. Mars, boy. Mars, boy. Avril, seto. Avril, seto. Mai, dujal. Mai, dujal. Juin, corset. Juin, corset. Juillet, morceau. Juillet, morceau. Août, duco. Août, duco. Septembre, silto. Septembre, silto. Octobre, yarkuma. Octobre, yarkuma. Novembre, jolal. Novembre, jolal. Décembre, boauté. Décembre, boauté. Page 6. Hello, Diego. Retenons. Tesco wala hakilin. Jour, nyalngu. Jour, nyalngu. Semaine, yontere. Semaine, yontere. Mois, leuru. Mois, leuru. Année, hitande. Année, hitande. L'hivernage, ndungu. L'hivernage, ndungu. L'hivernage akita. Ndungu tokita. L'hivernage akita. Ndungu tokita. C'est le mois de juin. Ko leuru korse. C'est le mois de juin. Ko leuru korse. Les nuages se forment dans le ciel. Doule inandenta et asaman. Les nuages se forment dans le ciel. Doule inandenta et asaman. La première pluie tombe. Il pleut. Iwande adande tobi nana toba. La première pluie tombe. Il pleut. Iwande adande tobi nana toba. Il y a beaucoup de vent. Ina hewi hindu. Il y a beaucoup de vent. Ina hewi hindu. La tonnerre gronde. Digali inandira. La tonnerre gronde. Digali inandira. Les maisons tombent. Churi chami. Les maisons tombent. Churi chami. Bientôt l'herbe va pousser. Boyata huda fudat. Bientôt l'herbe va pousser. Boyata huda fudat. Les arbres retrouveront leurs feuilles. Ledde kepta chudari. Les arbres retrouveront leurs feuilles. Ledde kepta chudari. Tout sera vert à Kita. Fof wantat hako nyebbe to Kita. Tout sera vert à Kita. Fof wantat hako nyebbe to Kita. Ali l'éleveur. Ali gainako. Ali l'éleveur. Ali gainako. Regardez cet homme. Jewe o gorko. Regardez cet homme. Jewe o gorko. Page 7. Hello jididi. Il s'appelle Ali. Ouyete ko Ali. Il s'appelle Ali. Ouyete ko Ali. Que fait Ali? Holko Ali wadata. Que fait Ali? Holko Ali wadata. Il garde les animaux. Om rena wala aina jawdi. Il garde les animaux. Om rena wala aina jawdi. Quel animal voyez-vous? Hol sifa dabaji njioton. Quel animal voyez-vous? Hol sifa dabaji njioton. Que donne la vache? Hol ko nagge rokata. Que donne la vache? Hol ko nagge rokata. La vache donne du lait. Nagge ina roka kosam. La vache donne du lait. Nagge ina roka kosam. La saison sèche. Waktu chidu. La saison sèche. Waktu chidu. La saison sèche akita. Chidu to kita. La saison sèche à Kita. Chedu to Kita. Après l'hivernage, c'est la saison sèche. Chagandungu ko chedu. Après l'hivernage, c'est la saison sèche. Chagandungu ko chedu. Il ne pleut plus. Dum tobata hankadi. Il ne pleut plus. Dum tobata hankadi. Tout est sec. Fof koko yorata. Tout est sec. Fof koko yorata. Les herbes deviennent sèches. Kudoli fof njora. Les herbes deviennent sèches. Kudoli fof Jora. Le vent emporte au loin les herbes. Hendu mokba huda nawat wodi. Le vent emporte au loin les herbes. Hendu mokba huda nawat wodi. Les feuilles des arbres deviennent jaunes. Berfetti ledde olda. Les feuilles des arbres deviennent jaunes. Berfetti ledde olda. Les feuilles tombent. Berfetti chama. Les feuilles tombent. Berfetti chama. Les mares n'ont plus d'eau. Béli kora. Les mares n'ont plus d'eau. Béli kora. Il n'y a pas d'eau dans les pluies. Ndiam ala e bulli. Il n'y a pas d'eau dans les pluies. Ndiam ala e bulli. Les animaux ont faim. Jaudi heidat. Les animaux ont faim. Jaudi heidat. Page 8. Hello jetati. Le soleil chauffe fort sur la tête. Nangi wulat e hore no fewi. Le soleil chauffe fort sur la tête. Nangi wulat e hore no fewi. Il fait chaud. Ene wuli. Il fait chaud. Ene wuli. Tout le monde a soif. Yimbe fof ina domda. Tout le monde a soif. Yimbe fof ina domda. Tout le monde transpire. Yimbe fof barnyat. Tout le monde transpire. Yimbe fof barnyat. L'heure. Waktu. L'heure. Waktu. Lire l'heure. Jangude waktu. Lire l'heure. Jangude waktu. Quelle heure est-il? Hol waktu jondo. Quelle heure est-il? Hol waktu jondo. La cuisinière. Debbo defowo. La cuisinière. Debbo defowo. La femme que vous voyez s'appelle Binta. Debbo mongeton o wiyete ko Binta. La femme que vous voyez s'appelle Binta. Debbo mongeton o wiyete ko Binta. Ke fe Binta? Hol ko Binta wadata? Ke fe Binta? Hol ko Binta wadata? Binta prépare le repas. Binta ina defa bottari. Binta prépare le repas. Binta ina defa bottari. Binta prépare le riz. Binta ina defa maro. Binta prépare le riz. Binta ina defa maro. On prépare le riz avec de l'huile. Defirten maro ko nebbam. On prépare le riz avec de l'huile. Defirten maro ko nebbam. Les poissons. Liddi. Les poissons. Liddi. La tomate. Tamate. La tomate. Tamate. L'oignon. Basale. L'oignon. Basale. Binta prépare le riz dans la marmite. Binta ina defa maro ender barma. Binta ina defa maro ender barma. Page 9. Hello Jenny. On l'appelle Binta la cuisinière. Bien Binta ko defowo. On l'appelle Binta la cuisinière. bien binta ko defoo. La lessive, guppol wala lotgol ciomci. La lessive, guppol wala lotgol ciomci. Fanta lave les habits de la famille. Fanta na lohna ciomci galle. Fanta lave les habits de la famille. Fanta na lohna ciomci galle. La femme que vous voyez s'appelle Fanta. O debbo mo jiyoton ko Fanta wiyete. La femme que vous voyez s'appelle Fanta. O debbo mo jiyoton ko Fanta wiyete. Ke fe Fanta. Hol ko Fanta wadata. Ke fe Fanta. Hol ko Fanta wadata. Fanta lave les habits dans une bassine. Fanta ina lohna ciomci e nder pan. Fanta lave les habits dans une bassine. Fanta ina lohna ciomci e nder pan. On lave les habits avec le savon. Lohnirten ciomci ko sabunde. On lave les habits avec le savon. Lohnirten ciomci ko sabunde. On rince les habits dans un seau d'eau propre. Ciabiten ciomci di e nder ndiyam siwo labdo. On rince les habits dans un seau d'eau propre. Ciabiten ciomci di e nder ndiyam siwo labdo. On les étale au mur pour sécher. Lirendi e balal bele di njora. On les étale au mur pour sécher. Lirendi e balal bele di njora. On voit le pantalon. Eden gia hen pantalon. On voit le pantalon. Eden gia hen pantalon. Le bubu wutte mawdo. Le bubu wutte mawdo. La robe kamis. La robe kamis. La fête au village kew e wuro. La fête au village kew e wuro. Le 20 septembre à Kita. Nyande nogas didi silto to Kita. Le 20 septembre à Kita. Nyande nogas didi silto to Kita. C'est la fête. Ko kew welnere. C'est la fête. Ko kew welnere. Page 10. Hel sapo. Quelle est la plus grande fête à Kita? Holke burdo maunude to Kita. Quelle est la plus grande fête à Kita? Holke burdo maunude to Kita. C'est la fête du 22 septembre. Ko welner no gas didi silto. C'est la fête du 22 septembre. Ko welner no gas didi silto. Qui vient à la fête du 22 septembre? Holi arobe e on kew no gas didi silto. Qui vient à la fête du 22 septembre? Holi arobe e on kew no gas didi silto. Le commandant, le maire, les villages du cercle. Commandant, maire et Goure Saraj. Le commandant, le maire, les villages du cercle. Commandant, maire et Goure Saraj. Que font les gens? Holko yimbe be mbadata? Que font les gens? Holko yimbe be mbadata? Retno. Hakilin wala tesco. In fête. Kew. In fête. Kew. C'est une fête. Kodum kew. C'est une fête. Kodum kew. Tout le monde vient à la fête. Yimbe fof garat e kew o. Tout le monde vient à la fête. Yimbe fof garat e kew o. Le commandant. Commandant. Le commandant. Commandant. Le maire. Maire. Le maire. Maire. Les villages du cercle. Gure saraji diwan. Les villages du cercle. Gure saraji diwan. Les gens tapent le tam-tam. Yimbe ina pia baudi. Les gens tapent le tam-tam. Yimbe ina pia baudi. Les gens mangent. Yimbe na nyama. Les gens mangent. Yimbe na nyama. La mosquée. Juma wala jama. La mosquée. Juma wala jama. La mosquée du village. Jama wuro. La mosquée du village. Jama wuro. Page 11. Hello sapoigo. Je vois une mosquée. Medoya jama. Je vois une mosquée. Medoya jama. Comment est la mosquée? Holno jama o way. Comment est la mosquée? Holno jama o way. La mosquée est grande. Jama o ina mauni. La mosquée est grande. Jama o ina mauni. Qui sont les gens devant la mosquée? Holibe yimbe wanbe yes jama. Qui sont les gens devant la mosquée? Holibe yimbe wanbe yes jama. Ce sont les musulmans. Ko julbe. Ce sont les musulmans. Ko julbe. Que font ces gens-là? Holiko be yimbe barata do. Que font ces gens-là? Holiko be yimbe barata do. Ils font l'ablution. Ebe challigo. Ils font l'ablution. Ebe challigo. Avec quoi font-ils l'ablution? Holko be challi gorto. Avec quoi font-ils l'ablution? Holko be challi gorto. Ils font l'ablution avec la bouillard. Ebe challi goro satalla. Ils font l'ablution avec la bouillard. Ebe challi goro satalla. Les voyages. Dangal. Les voyages. Dangal. Mamadou et Babadi vont en voyage. Mamadou et Babadi ina danno. Mamadou et Babadi vont en voyage. Mamadou et Babadi ina danno. Qu'est-ce que Mamadou et Babadi font? Holko Mamadou et Babadi mbadata. Qu'est-ce que Mamadou et Babadi font? Holko Mamadou et Babadi mbadata. Mamadou et Babadi voyagent. Mamadou et Babadi inadano. Mamadou et Babadi voyagent. Mamadou et Babadi inadano. Comment voyagent Mamadou et Babadi? Holno Mamadou et Babadi danorto. Comment voyagent Mamadou et Babadi? Holno Mamadou et Babadi danorto. Mamadou voyage en voiture. Mamadou danorto ko mobile. Mamadou voyage en voiture. Mamadou danorto ko mobile. Babadi voyage à pied. Babadi danorto ko koyngal. Babadi voyage à pied. Babadi danorto ko koyngal. Page 12. Yalla sappo e didi. Retenons. Tesko wala hakilin. Un voyage. Eden danno. Un voyage. Eden danno. Un sac. Saudu wala sakos. Un sac. Saudu wala sakos. On voyage avec un sac. Eden danoro sakos. On voyage avec un sac. Eden danoro sakos. Voiture. Mobile. Voiture. Mobile. On voyage en voiture. Eden danoro mobile. On voyage en voiture. Eden danoro mobile. Rapide. Yavi. Rapide. Yavi. C'est plus rapide. Ko buri yawde. C'est plus rapide. Ko buri yawde. On voyage en voiture parce que c'est plus rapide. Eden danoro mobile. Sabu ko kam buri yawde. On voyage en voiture parce que c'est plus rapide. Eden danoro mobile. Sabu ko kam buri yawde. Fatigue. Tempere. Fatigue. Tempere. Ne fatigue pas. Tampinta. Ne fatigue pas. Tampinta. Argent. Kalis. Wala koporeje. Argent. Kalis. Wala koporeje. On n'a pas d'argent. Engala kalis. On n'a pas d'argent. Engala kalis. Le temps. Saha. Le temps. Saha. Voilà Mamadou. Mamadou nani. Voilà Mamadou. Mamadou nani. Page 13. Elle s'appuie tati. Voilà Babadi. Babadi nani. Voilà Babadi. Babadi nani. Qu'est-ce qui est arrivé à l'arbre? Holko hebi lekki. Qu'est-ce qui est arrivé à l'arbre? Holko hebi lekki. C'est le vent qui souffle. Ko hendu wuti. C'est le vent qui souffle. Ko hendu wuti. Qu'est-ce que Mamadou a? Holko Mamadou wondi. Qu'est-ce que Mamadou a? Holko Mamadou wondi. Mamadou a froid. Mamadou ko jangado. Mamadou a froid. Mamadou ko jangado. Que porte Mamadou? Holko Mamadou bami. Que porte Mamadou? Holko Mamadou bami. Mamadou porte une couverture. Mamadou bami ko mbajju. Mamadou porte une couverture. Mamadou bami ko mbajju. Pourquoi Mamadou porte une couverture? Holko sabi Mamadou ina bama mbajju. Pourquoi Mamadou porte une couverture? Holko sabi Mamadou ina bama mbajju. Parce qu'il a froid. Sabi dum ko omo janga. Parce qu'il a froid. Sabi dum ko omo janga. Il fait froid aujourd'hui. Ilum jangi hande. Il fait froid aujourd'hui. Ilum jangi hande. Voilà maintenant Babadi. Joni Babadi nani. Voilà maintenant Babadi. Joni Babadi nani. Babadi se chauffe au feu. Babadi ina ito e jayngul. Babadi se chauffe au feu. Babadi ina ito e jayngul. Comment est Babadi devant le feu? Holno Babadi way e yeso jayngul ngul. Comment est Babadi devant le feu? Holno Babadi way e yeso jayngul ngul. Devant le feu, Babadi a chaud. Babadi ina wula sara jayngul ngul. Devant le feu, Babadi a chaud. Babadi ina wula sara jayngul ngul. Il fait chaud devant le feu. Ina wuli e yeso jayngul. Il fait chaud devant le feu. Ina wuli e yeso jayngul. Retenons. Tes ko wala hakilin. Le vent. Hendu. Le vent. Hendu. C'est le vent. Ko hendu. C'est le vent. Ko hendu. Page 14. Hello sapoinai. Le vent souffle. Hendu ina wuta. Le vent souffle. Hendu ina wuta. Froid. Jangul. Froid. Jangul. Abu a froid. Abu ina janga. Abu a froid. Abu ina janga. Il fait froid. Ina jangi. Il fait froid. Ina jangi. Ina couverture. Bajju. Ina couverture. Bajju. Mamadou porte ina couverture. Mamadou mojima bajju. Mamadou porte ina couverture. Mamadou mojima bajju. Il fait froid aujourd'hui. Ina jangi hande. Il fait froid aujourd'hui. Ina jangi hande. C'est chauffé. Wulnade wala itade. C'est chauffé. Wulnade wala itade. Babadi se chauffe au feu. Babadi ina wulno wala ina ito. Babadi se chauffe au feu. Babadi ina wulno wala ina ito. Il fait chaud devant le feu. Ina wuli e yeso jayngul. Il fait chaud devant le feu. Ina wuli e yeso jayngul. Le jardin d'Aminata. Ngesa sewo sewoji wala sardine Aminata. Le jardin d'Aminata. Ngesa sewo sewoji wala sardine Aminata. Voilà Aminata. Aminata nani. Voilà Aminata. Aminata nani. Que fait Aminata? Holko Aminata wadata. Que fait Aminata? Holk Aminata Wadata. Aminata arrose les jardins. Aminata inawisa ngesamum sewo sewoji. Aminata arrose les jardins. Aminata inawisa ngesamum sewo sewoji. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin de Aminata? Holk woni ender ngesa Aminata he. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin de Aminata? Holk woni ender ngesa Aminata he. Dans le jardin d'Aminata, il y a la tomate. Ender ngesa Aminata inabadi tamate. Dans le jardin d'Aminata, il y a la tomate. Ender ngesa Aminata inabadi tamate. Est-ce que Aminata peut mettre autre chose dans son jardin? Bella Aminata ina wawi wadde goddum e nder ngesa mum. Est-ce que Aminata peut mettre autre chose dans son jardin? Bella Aminata ina wawi wadde goddum e nder ngesa mum. Page 15. Hello sapoy e joyi. Oui, elle peut mettre le piment. Ey, on me wawi wadde ton nyamako. Oui, elle peut mettre le piment. Ey, on me wawi wadde ton nyamako. L'oignon. Basale. L'oignon. Basale. La salade. Salade. La salade. Salade. Le chou. Soupom. Les choux. Soupom. Pour que son jardin donne beaucoup. Damgesa makko yenchina ko hewi. Pour que son jardin donne beaucoup. Damgesa makko yenchina ko hewi. Aminata met le fumier. Aminata inawada hen dornde. Aminata met le fumier. Aminata inawada hen dornde. Que signifie arroser? Holko woni visde. Que signifie arroser? Holko woni visde. Faire le maraîchage. Wadde demanteri. Faire le maraîchage. Wadde demanteri. La récréation. Pouf-t-il. La récréation. Pouf-t-il. Dans la cour de récréation. Ender boaval pouf-t-il. Dans la cour de récréation. Ender boaval pouf-t-il. Que voyez-vous? Hol kunjioton. Que voyez-vous? Hol kunjioton. Je vois une école. Mido ya jangirdu. Je vois une école. Mido ya jangirdu. Que voyez-vous encore? Hol kunjioton kadi. Que voyez-vous encore? Hol kunjioton kadi. Je vois les élèves qui jouent. Mido ya almube ina pija. Je vois les élèves qui jouent. Mido ya almube ina pija. Les enfants jouent-ils dans la classe? Almube be. Be pija ender jangirdu. Les enfants jouent-ils dans la classe? Almube be. Be pija ender jangirdu. Non, les enfants ne jouent pas dans la classe. Ala. Pijata ner jangirdu. Non, les enfants ne jouent pas dans la classe. Ala, pijata ner jangirdu. Où est-ce qu'il joue? Hol to pijata. Où est-ce qu'il joue? Hol to pijata. Il joue dans la cour. pijata ko e nder dingiral ngal. Il joue dans la cour. Pijata ko e nder dingiral ngal. Page 16. Hello, sapo e jeegom. Les élèves jouent à quoi? Hol kaal mo bebe pijata. Les élèves jouent à quoi? Hol kaal mo bebe pijata. Les élèves sautent. Al mo bebe inandiwa. Les élèves sautent. Al mo bebe inandiwa. Cour. Ndoga. Cour. Ndoga. Ri. Njala. Ri. Njala. Mange. Nyama. Mange. Nyama. La ville. Teru. La ville. Teru. Une ville. Wuro teru. Une ville. Wuro teru. Maison en étage. Kubeje pawndirde. Maison en étage. Kubeje pawndirde. Poteau électrique. Ledde kuboje jayngol. Poteau électrique. Ledde kuboje jayngol. Goudron. Beddaji laltadi. Goudron. Beddaji laltadi. Des voitures. Verlaji wala mobelaji. Des voitures. Verlaji wala mobelaji. C'est quoi? Ko woni? C'est quoi? Ko woni? C'est la ville. Ko teru. C'est la ville. Ko teru. Que voyez-vous? Hol ko njioton. Que voyez-vous? Hol ko njioton. Je vois des maisons en étage. Mido ya kubeje pawndirde. Je vois des maisons en étage. Mido ya kubeje pawndirde. Je vois des poteaux électriques. Mido ya ledde kuboje jayngol. Je vois des poteaux électriques. Mido ya ledde kuboje jayngol. Je vois le goudron. Mido ya beddaji laltadi. Je vois le goudron. Mido ya beddaji laltadi. Bamako est une ville. Bamako ko wuro teru. Bamako est une ville. Bamako ko wuro teru.